Chapitre 5e. 15 jours s'étaient écoulés depuis ce dernier accident que nous venons de raconter et le chevalier était hors de danger. William, au sortir d'une conversation secrète avec sa sœur, s'était retiré dans son cabinet d'études. Ce cabinet attenait au salon, mais il n'était pas nécessaire de traverser cette pièce pour y arriver. William affectait de ne pas se montrer au malade, lequel d'ailleurs semblait peu disposé à le recevoir cordialement. Tel était du moins le sens donné par le châtelain de Lutzen à l'humeur farouche de son cousin. Marguerite était assise non loin du fauteuil où Hermann, à qui le docteur permettait déjà de se lever, venait de s'endormir. Elle attendait en brodant que le malade se réveillât. Étonnée, inquiète même d'un silence et d'une immobilité prolongée outre mesure, la jeune fille abandonna son travail et s'approcha doucement du fauteuil. Les yeux de Hermann et les siens se rencontrèrent. « Ah ! » fit Marguerite en souriant. « Vous ne dormez pas, mon cousin ? Et vous ne dites rien ? Cependant, vous me saviez là, près de vous. À quoi pensiez-vous ? » Hermann répondit. « Je pensais à la fatalité qui m'a ramené dans ce château, malgré le serment que je m'étais fait de ne plus y remettre les pieds. Et aussi, ajouta-t-il, sans remarquer le douloureux effet de ses paroles, et surtout au moment où il me sera permis d'en sortir. Tel était vraiment l'objet de vos réflexions ?» soupira Marguerite. « Oui, » dit-il sèchement. « Hermann, Hermann, est-il possible que les souvenirs d'autrefois aient si peu de pouvoir sur vous ?» Et cependant, continua Marguerite en adressant au malade un regard dont tout autre que lui eût paru touché. « Et cependant, a-t-il rien qui vaille ses souvenirs ? L'existence que vous meniez à Paris a-t-elle jamais provoqué en vous des émotions dignes d'être comparées à ces premières impressions de notre jeunesse ?» À ces mots, le chevalier se retourna vers la jeune fille inclinée, presque agenouillée près de lui. Une pénible arrière-pensée se lisait sur le pâle visage du malade. « Ah ! S'écria-t-il, n'est-ce donc pas assez des reproches de ma conscience, cruel enfant, pourquoi y ajouter les vôtres ?»« Des reproches, moi ? » dit-elle de sa voix la plus douce, en même temps qu'un triste sourire errait sur ses lèvres. « Hermann, combien vous vous trompez ? Des reproches ?» ajouta-t-elle en arrêtant sur son cousin deux beaux yeux où se reflétait toute son âme. « Non, non, pas de reproches, mais de simples questions dictées par l'immense intérêt que je vous porte. Me les défendez-vous ?» Et comme subjugué malgré lui par le charme d'une voix si pure, Hermann hésitait à répondre. La jeune fille continua. « La solitude où je n'ai pas cessé de vivre a développé en moi certaines délicatesses de sentiments qu'il faut me pardonner, mon cousin. L'excuse de ma franchise est dans la haute idée que, malgré les apparences, j'ai toujours eu de votre caractère. « Oui, » ajouta Marguerite, presque étonnée elle-même de la hardiesse de son langage et s'animant de plus en plus à mesure qu'elle parlait. « Notre cher Hermann a pu être un instant aveuglé par je ne sais quel prisme éblouissant, mais son cœur, j'en réponds, est toujours le même. Je ne veux pour témoignage de ce que j'avance que l'immensité des regrets qui ont suivi quelques années d'égarement. » Un éclat de rire plein d'ironie et d'amertume contracta les lèvres de Hermann. « Ah ah ! » fit-il, pauvre cousine. « Combien vous exagérez l'importance d'actions que le premier venu aurait accomplies gratuitement, tandis que moi. » À son tour, Marguerite, interrompant le malade, se hâta d'ajouter. « Tandis que vous, c'est l'espoir d'une récompense qui vous animait, n'est-ce pas ? Et cette récompense n'était rien moins que le pardon du ciel. Combien d'autres que vous ne l'aurez pas recherché avec tant d'ardeur ? Enfin, ce pardon ne l'avez-vous pas mérité ? Mes torts envers vous sont immenses, murmura-t-il. Tous vos torts sont réparés, mon cousin. Croyez-moi, William a peu souffert d'un accident à peu près involontaire. Je pouvais le tuer, dit Hermann, en frémissant. Lui, mon ami d'enfance, presque mon frère. Ah, cette idée seule me glace d'horreur. Hermann, vous nous avez sauvé la vie, et William a cessé depuis longtemps de vous en vouloir. Pauvre frère, votre disparition lui a fait plus de mal que la scène qui l'avait précédée. Marguerite, profitant alors de l'attention qui lui était accordée, raconta les tristes jours qui avaient suivi cette nuit fatale et la funeste influence de cet événement sur l'organisation excessivement impressionnable de William. « Eh bien, dit Hermann, j'oserais lui dire adieu avant mon départ. »« Votre départ ? » s'écria Marguerite. « Ah, voilà une parole que mon frère ne voudra jamais entendre. » Si Hermann est revenu ici par force et avec l'intention de nous quitter encore, disait-il ce matin, qu'il parte, car je ne veux le revoir lui parler que s'il se décide à rester. « Eh quoi ? » dit Hermann. « Reprendre ici l'existence que j'ai menée pendant 3 mois ? Ne serait-ce pas comme autrefois pour vous et pour moi une gêne, un embarras de tous les instants ?»« Hermann, » dit Marguerite, en prenant une des mains de son cousin. « Cette heure où je vous parle est solennelle, et je le sens, notre bonheur à tous trois en dépend. Débarrassé de moi, vous serez heureux ?» dit Hermann d'une voix amère. « Heureux, quand vous nous aurez abandonnés ?» Et prenant à regret pour une affirmation le silence du chevalier, Marguerite reprit aussitôt. « Cessez, mon cousin, de méconnaître le devoir sacré, la mission peut-être qui unit votre destinée à la nôtre. La résignation dont William et moi avons toujours fait preuve prenait sa source dans l'impérissable espérance que vous ne reviendrez un jour. Notre isolement sur la terre et les liens fraternels qui nous unissent ne donnent-ils pas une grande force aux suprêmes recommandations de notre mère ?» Et comme Hermann hésitait encore à répondre, « Ah !» continua la jeune fille en montrant par un geste plein de grandeur le cadre où la baronne de Lützen était représentée, « l'image d'une femme qui fut pour vous une seconde mère ne vous fait donc éprouver aucune émotion ?» Pour la première fois depuis son retour dans cette antique demeure où les plus tendres soins venaient de le rendre à la vie, Hermann, sollicité par les véhémentes paroles de la jeune fille, regarda machinalement d'abord, puis avec plus d'attention, le portrait de la généreuse protectrice de son enfance. « Ah » murmura-t-il, « vous voulez savoir quel effet produit sur moi la vue de votre mère ? Eh bien, je lis dans son regard sévèrement attaché sur moi ma misère, ma honte, mes remords, et le seul désir que j'éprouvais celui de fuir à jamais ce château. » À ces mots prononcés d'un ton farouche, Hermann s'était arraché convulsivement de son fauteuil. Son geste furieux provoqua une douloureuse exclamation de la part de Marguerite. En même temps, la porte s'ouvrit, et William se précipita vers sa sœur comme pour la protéger contre un danger. Hermann, comprenant aussitôt de quelle brutalité les apparences l'accusaient, fit 3 pas en arrière en se voilant le front et retomba épuisé, haletant sur son siège, en poussant un cri de rage et de honte. « Ah ! » dit William, « pouvez-vous, ingrat, oublier ainsi les derniers vœux de notre mère auxquels Marguerite faisait allusion tout à l'heure et qui, à son lit de mort, nous réunissant tous trois dans ses bras, nous disait d'une voix que je crois entendre encore, « Oh, mes enfants, aimez-vous toujours, ne vous séparez jamais !» Cependant, malgré la vive agitation peinte sur son visage, le chevalier n'articulait pas un mot. Quelques secondes se passèrent ainsi. Tout à coup, semblable à un rayon de soleil sur une fleur abattue par l'orage, une pensée d'une suavité céleste vint éclairer l'âme de Marguerite et rendre au visage de la jeune fille ses plus fraîches couleurs. S'étant dirigée vers le prie-dieu situé sous le portrait de la baronne, Mademoiselle de Lützen revint aussitôt vers le chevalier. « Que voulez-vous encore ? » dit celui-ci avec emportement. « Laissez-moi ! » Mais forte de son inspiration et résolue à tout braver, Marguerite vint s'agenouiller près de son cousin. « Hermann, » prononça-t-elle d'une voix profondément émue et pénétrante, en présentant au chevalier un petit paroissien. « Ce livre est bien petit, bien vieux, bien usé. Cependant, que de charmants souvenirs il rappelle. Ne le reconnaissez-vous pas ?» Déjà impressionné par le changement qui venait de s'opérer dans la physionomie de sa cousine, Hermann jeta les yeux sur l'objet qu'on lui offrait. Une vive rougeur lui monta au front, un tremblement plus fort que sa volonté s'empara de lui. « Ce livre, » murmura-t-il en réprimant avec une sorte de confusion son premier mouvement, qui avait été de le saisir, et en affectant une ignorance démentie par la fixité fiévreuse de son regard, il ajouta « Quel est ce livre ?»« Hermann, » dit Marguerite, « ce livre est celui dans lequel William, vous et moi, avons appris à lire et à prier. » « La science humaine et la science de Dieu. » « Cette page, » continua la jeune fille entraînée par une indicible émotion, tandis que sa main tremblante feuilletait le pieux volume, « c'est vous qui l'avez déchiré. Je vous avais fait de la peine. » Et ma malice provoqua ce mouvement de colère, ici, à l'endroit où le Seigneur nous fait un devoir de la charité. Cette date remet en mémoire une action touchante. Vous fîtes un jour l'abandon de votre pain à de pauvres enfants près de mourir dans les bras de leur pauvre mère. Vous pensez n'être pas vu, mais de loin, J'avais assisté à cet élan de votre âme et je voulus en perpétuer le souvenir. « Eh bien ?» acheva Marguerite, en adressant au chevalier les interrogations d'un regard enchanteur. « Lui non plus, Herman ? Ce pauvre petit livre, lui non plus ? Ne vous dit donc rien ?» Indigné de ce qu'il ne répondait pas encore, William, par un mouvement rapide que la pensée, écarta les deux mains que le chevalier s'obstinait à retenir attachées sur son visage. Alors un spectacle inattendu frappa Marguerite et son frère. Forcé de relever la tête, Herman les regardait, et de ses yeux brûlants, une larme tomba. Une larme, la première qu'il versait depuis qu'il était homme. On eût dit qu'avec elle s'échappait tout le fiel de cette âme, en réalité plutôt égarée que véritablement pervertie. « Herman !» s'écrièrent d'une seule voix le châtelain de Lutzen et sa sœur. « Marguerite, William !» répondit le chevalier d'une voix entrecoupée. Un sublime embrassement les réunit. Et la baronne de Lutzen parut sourire dans son cadre, en voyant s'accomplir, enfin, une réconciliation qui, cette fois, devait être éternelle, entre les trois enfants qu'elle avait si tendrement aimés sur la terre, et pour lesquels ses prières continuaient dans le ciel. Ils vivent encore, et William, précepteur de deux enfants, s'applaudit chaque jour d'avoir de charmants élèves, lesquels sont en même temps ses petits cousins et ses neveux. Ainsi s'achève le manoir de Lutzen par Alfred Séguin.